الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. Aujourd'hui, on va parler un peu des choses qui sont interdites pendant l'ihram. Quand tu rentres en ihram, tu peux rentrer en ihram de trois manières différentes. Bil-ifrat, bil-qiran, bil-tamattu. Les deux premiers, presque plus personne ne les pratique. Et en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « J'ai fait rentrer le hajj dans la umra éternellement. » Donc, les savants disent c'est fortement conseillé de faire tamattu. Il y en a même qui disent que c'est obligatoire de faire tamattu. Alhamdulillah, déjà il y a une facilité. Deuxièmement, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et c'est ce qui est au minimum recommandé si ce n'est pas obligatoire. Donc on rentre en tamattu. Quand on passe à Dhil Hulayfa, on dit labbaik Allahumma Amra. Parce qu'on rentre en Amra, après avoir entré en Amra, on va sortir du Ihram et on va refaire l'Ihram une deuxième fois pour rentrer au Hajj. C'est ça le tamattu. Alors que le Qiran et l'Ifrad, tu restes en Ihram. Tu ne vas pas enlever ton Ihram après avoir fini la Amra. Tu vas rester en Ihram jusqu'à ce que tu ailles au Hajj. Si quelqu'un il a traversé Al-Miqat sans avoir fait Niyat Al-Ihram, qu'est-ce qu'il doit faire celui-là? Il doit obligatoirement retourner à Miqat, le plus proche. Il fait l'Ihram et il revient. S'il ne fait pas ça, dès qu'il est à Jeddah, par exemple, il met son Ihram, il fait Talbiya, il devra égorger une bête à Mecca pour les pauvres de Mecca, pour ce manquement qu'il a eu. Sunan al-Ihram, on l'a dit, le fait de se laver avant l'Ihram, de mettre du parfum sur son corps avant l'Ihram. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à son époque, comme ils disent, le parfum des femmes, c'est celui qui a de la couleur sans odeur, et le parfum des hommes, c'est celui qui a de l'odeur sans couleur. À l'époque, leur parfum, c'est juste de la couleur. Ils appellent ça quand même du parfum. Donc la femme, si vraiment elle a besoin de se parfumer avant l'Ihram, elle peut mettre juste quelque chose dont l'odeur ne sort pas, comme juste du déodorant qui n'est pas fort, par exemple. Et elle s'habille normalement. On a dit que l'Ihram, pour la femme, ça n'a pas une couleur précise. Celle qui se met en blanc, en vert, ça n'existe pas. Son djilbab qu'elle met habituellement, elle met ça. La seule différence, elle ne met pas de gants et de niqab. À la place du gant et des niqab, elle peut faire tomber un voile sur son visage, ou même faire coudre un voile qui tombe sur le visage. Ce qui est interdit, c'est qu'un habit soit attaché, qui fasse le tour de la tête. De même que quelque chose qui fasse le détail des doigts. Si par contre elle cache ses mains, par exemple, dans sa abaya, ça il n'y a pas de mal en cela. Surtout si une femme elle est habituée à cacher son visage et ses mains devant les étrangers, elle le fait. Surtout pour ceux qui voient que c'est wajib pour la femme de se couvrir le visage. Pour l'homme, le ihram, on a dit, c'est deux tissus. La sunna, c'est de prendre deux tissus blancs. Un pour le bas, un pour le haut. La sunna, c'est de faire salat dans la mosquée de Dhil Hulayfa. Si c'est une salat farida, on fait la farida. Si c'est tahiyat ou masjid, ou bien sunnat ou wudu, on les fait. On met la niya de l'ihram. Une fois qu'on est monté dans le car, on dit labbaik Allahumma amra. Un niya est dans le cœur. C'est pas avec la langue que quelqu'un dit sa niya. Il est en train de faire talbiya, comme quoi il rentre dans le rite de la umra. S'il peut se mettre face à la qibla quand il dit labbaik Allahumma amra, c'est une sunna. De même que quand il sera à son hôtel, yom talwiya, s'il peut se mettre face à la qibla pour le dire, c'est une sunna. Le fait d'élever la voix pour faire talbiya. Et même la femme, elle élève un petit peu la voix, juste pour que sa voisine, elle puisse l'entendre. Comme il a dit Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi. Les femmes qui ont les menstrues ou qui ont les logis, elles font le ghusl au miqat. Elles se mettent en ihram et elles font le talbiya. Elles font tout ce qu'un hajj fait, sauf le tawaf. Non. Il y a des endroits pour faire talbiya. Awwalan, cette talbiya, on commence à dépasser le miqat, on commence. Wakadalika, quand ça monte, quand ça descend, quand il fait nuit, quand il fait jour, là on recommence à faire un peu de talbiya. Jusqu'à qu'on va pour faire tawaf, on fait de talbiya. Quand est-ce qu'il recommencera de talbiya? Le 9e jour, quand il part le matin pour aller vers Arafat, il recommence de talbiya. Jusqu'à qu'il vienne pour jeter Jamratul Aqaba. Les choses qui sont interdites à faire quand on est en état de sacralisation. Et ces choses interdites, elles sont de deux sortes. Une chose interdite que celui qui l'a fait, son hajj, il est annulé. Et d'autres choses qui sont interdites, celui qui les fait, son hajj, il est valable, mais il devra payer, récupérer le manquement qu'il a eu en égorgeant une bête pour les pauvres de Mecca. C'est laquelle la chose interdite, le mahdour, alladhi yufsidu al-hajj. C'est quand la personne, elle fait l'acte sexuel avec sa femme ou la femme avec son mari, alors qu'il est en état de ihram. Celui qui fait ça en état de ihram, son hajj, il est annulé. Et il doit se repentir. Et il doit finir son hajj de cette année. Et il doit revenir min'ad min'qabil. L'année prochaine, il est obligé de revenir pour refaire le hajj. Quand on arrive de l'umra, attention, c'est à ces moments-là qu'on fait pas attention, on fait des choses muharram, interdites. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop rester longtemps en ihram. Celui qui a oublié qu'il était en ihram, n'a rien. S'il a vraiment oublié, la femme c'est la même chose, sauf si elle a été forcée. Elle n'aura rien à faire, ni à égorger une bête, ni rien du tout. Normalement, la femme elle ne doit pas laisser son mari s'approcher, elle lui dit « Taqillah, c'est haram ». C'est la seule chose interdite pendant l'ihram qui peut annuler ton hajj. Non. Les autres choses interdites qui peuvent diminuer le hajj et qui sont interdites, celui qui les fait, il a fait un péché. S'il les fait intentionnellement, et il devra rattraper son manquement, ou son erreur, ou son péché, en égorgeant une bête pour les pauvres de Mecca, le fait que l'homme, il mette des vêtements cousus. C'est mal traduit, cousu. Ça veut dire, c'est un vêtement qui détaille les membres du corps. C'est ça qui est interdit. Peu importe qu'il soit cousu, ou clipsé, ou épinglé, s'il détaille les membres du corps, c'est haram. Il ne faut pas que ton vêtement il soit attaché l'un à l'autre. En fait, c'est ça. Je vous donne un exemple simple. Quelqu'un est dans l'avion, il va dépasser le miqat. Il n'a pas d'ihram, il n'a pas d'habit d'ihram. Dans sa valise, il n'a que deux kamis. Il prend un kamis, il le met en bas comme un izar, il prend l'autre kamis, il le met sur son dos comme ça. C'est valable. Pourtant, c'est cousu. Mais c'est valable. Parce qu'il ne l'a pas mis comme un vêtement. Il ne l'a pas mis qui détaille ses membres. Et pour la femme, on l'a dit, ce qui est interdit, c'est le niqab, ce qui s'attache pour casser le visage, ce qui s'attache derrière, et les gants. Et celui qui ne trouve rien, et il doit rentrer en ihram, il n'a qu'un pantalon et des khoufeins. Parce que normalement, les khouf aussi, on n'a pas le droit de porter des khouf ou des chaussettes. On a le droit que de mettre des sandales. S'il n'a pas ça, il va marcher pieds nus, il va se faire mal. Alors celui-là, il lui sera permis de mettre des khouf, et le mieux, ce sera qu'il les coupe sous la cheville. Et le pantalon, s'il n'a rien, par exemple, il n'a rien trouvé à part un pantalon, il pourra garder son pantalon jusqu'à qu'il achète un ihram, par exemple. S'il n'a pas trouvé, il l'a oussa. Attention aussi, donc les chaussettes, c'est interdit. C'est comme les roufs. On n'a pas le droit de porter des chaussettes. On n'a pas le droit de porter des sous-vêtements. On n'a pas le droit de mettre un caleçon pour l'homme. Non. Ce n'est pas permis à l'homme de couvrir sa tête, bimoula un cercle, avec une chose qui colle sa tête. Si c'est quelque chose qui ne colle pas sa tête, qui est au-dessus, comme une ombrelle, il n'y a rien. Car ça a été rapporté qu'ils ont ombragé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un vêtement au-dessus de lui, comme ça. Ce n'est pas comme les chiens qui coupent leur quart en haut, ils ont des quarts toi ouvrant. Parce qu'en gros, il ne faut pas d'ombrelle. Ils ont voulu jouer avec la religion, c'est comme les Yahoud. Et jusqu'à que la religion, elle est devenue, ils l'ont rendu difficile eux-mêmes. Non. Il y a une divergence, est-ce que l'homme, il a le droit de se couvrir le visage? Au sahih, c'est qu'il vaut mieux qu'il évite. Parce qu'il y a un hadith rapporté par Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour une personne qui allait se faire enterrer et ne cachait pas ni son visage ni sa tête. Non. Ce n'est pas autorisé de se parfumer pendant l'ihram, que ce soit avec des déodorants, du parfum ou bien tout ce qu'on voudrait utiliser comme parfum. Ne vous douchez pas avec des gels douches parfumés. Douchez-vous avec du savon neutre qui est pas, où on n'a pas rajouté du parfum dedans. Ce qui est interdit aussi pendant l'ihram, se raser la tête. On peut le faire que quand on a fini. Si quelqu'un se gratte, il ne fait pas exprès, sans faire exprès, il tire un cheveu, si quelqu'un il est malade, il a besoin d'une hijama, il a mal à la tête, il n'est pas bien du tout, il veut faire une hijama, il rase juste une partie de sa tête pour faire une hijama, c'est permis. Ça a été rapporté cela. Mais sinon, il ne doit pas raser sa tête. Kadalika, il ne doit pas couper tous les poils de son corps, ni ses ongles. Non. Parmi les choses qui sont interdites pendant l'ihram, tout ce qui peut amener à faire l'acte avec sa femme. Le baiser, toucher avec désir, etc. etc. Non. Si quelqu'un, par exemple, il fait toutes ces choses-là pendant l'ihram avec sa femme et il a éjaculé, s'il n'a pas fait le jima, il devra quand même égorger un mouton pour réparer son erreur. Non. Ce n'est pas permis de demander en mariage une fille pendant l'ihram. Et ce n'est pas permis de se marier aussi pendant l'ihram. Si quelqu'un se marie alors qu'il est en ihram, son zawaj il est annulé, il n'est pas valide. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, An-Nasa'i wa Tirmidhi, celui qui est en ihram, elle ne se marie pas, la femme, et il ne demande pas en mariage. Non. Kazalik, il y a une chose interdite pendant l'ihram, mais celui qui le fait, il n'aura pas de bête à égorger, mais par contre il fait des péchés, et peut-être qu'il perd la récompense de son hajj, c'est quoi? De faire des péchés et de faire le jidal. Allah tabarak wa ta'ala dit, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجُّ. Fais pas de jidal, discute pas, te dispute pas, ne réponds pas, ne t'énerve pas, n'insulte pas. Tu vas en voir des vertes et des pas mûres, Akhil Karim. Les gens, ils n'ont pas de patience. Ils vont être là-bas, la course à celui qui va finir le premier. Comme quelqu'un vient faire salat comme un corbeau. Salam alaikum, il part. Le hajj, il y en a, c'est pareil. Il vient vous débarrasser. Au plus vite il finit, mieux c'est. Toi, ne sois pas parmi ces gens-là. Profite de ton hajj. Fais dhikr Allah, fais du'a. Ça, c'est très important, ikhwat al-iman. D'ailleurs, un conseil, barakallahu fikoum, ça m'a rappelé, ceux qui vont être avec leur femme ou leur mère, el mahalim. D'où l'importance qu'une femme, elle ne voyage pas sans mahram. La femme, il faut qu'il la prenne devant lui et il fait le tawaf. Et même des fois, il met un peu ses mains à gauche, à droite pour pas que les gens ils viennent se coller à elle parce qu'il y a trop de monde. Ça, c'est la meilleure méthode. La mets pas derrière toi. Tu la mets derrière toi, je sais pas où elle va se retrouver. Non. D'ailleurs, c'est permis de faire le tawaf au premier ou au deuxième étage. C'est plus long, mais c'est murtah. T'as moins de foule. Tu peux même aller sur le toit faire le tawaf. Non. Donc, le hajj, c'est l'école de sabr, de la patience. Tu patientes sur les gens qui sont avec toi. Tu patientes sur la fatigue. Tu patientes sur les douaniers. Tu patientes sur les étrangers qui font n'importe quoi. Tu vas voir des gens, ils sont tellement fous quand ils voient la Kaaba, ils courent comme un bœuf pour aller vers la Kaaba et poussent tout le monde. Tu vas patienter, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arriver à Mina. La tente, il y a des gens qui sont pas censés être dans ta place, ils sont venus prendre ta place. Et Allah, faut discuter pour qu'ils sortent de ta place. L'autre, il va voir l'autre responsable. Non, mais ça, c'est notre place, on a le ticket. Oui, mais moi, j'ai plus de place, Akhi. Où je me mets? Mais non, mais ça, c'est notre place. Oui, mais moi, j'ai plus de place. Et Allah. Donc, tu vas devoir attendre qu'ils sortent. Tu vas pas faire la bagarre. Ça arrive. Donc, il faut se préparer. Parmi les choses qui sont interdites pendant le hajj, bon, là, ça ne concerne plus trop nous, alhamdulillah, mais il faut le savoir. Tu n'as pas le droit de chasser des animaux terrestres halal à manger pendant le hajj. Tu n'as pas le droit aussi de dire à quelqu'un, tiens, va me chasser, par exemple, une gazelle. Ou un oiseau. Non. Parmi les choses qui ne sont pas interdites à tuer, des choses qui peuvent être nuisibles, ou les choses qu'on nous a ordonné de tuer, un scorpion ou un serpent, ça tu peux le tuer, il n'y a pas de souci. Ou ce qui est haram à manger qui peut te faire du mal, tu peux le tuer. Ça, ce n'est pas interdit pendant l'ihram. Maintenant, on va parler de certaines choses permises à faire ou intamuhri. Le fait de se laver. Tu peux changer ton izar. Par exemple, ton ihram, il est sale, tu peux le laver et le remettre. Ou tu peux l'enlever et en mettre un neuf. C'est permis. Attention, ne lave pas avec quelque chose de parfumé. C'est permis de se coiffer. C'est permis de se gratter le corps, la tête. C'est permis de faire le hijama si on a besoin. Mais le mieux, c'est d'attendre après. C'est permis de sentir un parfum ou une rose ou une fleur si on ne sent pas dans l'intention de prendre le plaisir de le sentir. Si c'est juste, par exemple, pour choisir entre deux parfums que tu sens pour savoir lequel tu veux. De même, si un ongle il est à moitié cassé, tu as le droit de le tirer et de le jeter. Par exemple, tu as mal, tu as un ongle qui est à moitié cassé, tu peux le finir et le jeter. Parce que là, tu as une haja, tu as un besoin. C'est permis à la femme de s'habiller tout ce qu'elle veut, la couleur qu'elle veut à partir du moment où c'est des couleurs permises en islam. C'est des couleurs qui n'attirent pas le regard. Et des vêtements qui n'attirent pas le regard. Et bien sûr, bien large avec les conditions du hijab. C'est permis à la femme de mettre un pantalon sous sa abaya, et de mettre des chaussettes et de mettre des khoufets. C'est permis à la femme de garder ses bijoux. C'est permis à la femme de faire hanna. Si tu as besoin de mettre des gouttes dans les yeux ou bien tu as besoin de mettre le kohl dans tes yeux parce que tu as mal ou tu veux soigner tes yeux, tu as le droit. C'est permis de sombrager, que ce soit avec une ombrelle ou avec n'importe quoi à partir du moment où ça ne touche pas notre tête. Pour l'homme, pour la femme, il n'y a pas de souci. De mettre des ceintures, de mettre des bagues et de mettre des montres. Et de mettre des lunettes. Ou un porte-monnaie comme ça, là, une banane, ça a été rapporté de certains sahaba, radiallahu anhum, qu'ils ont fait la fatwa sur ça, qu'il n'y avait pas de mal de garder quelque chose, par exemple, une mihfada, une petite sacoche pour garder son argent, ses papiers. Tout ça, c'est permis, même si c'est cousu. Il n'y a pas besoin de s'amuser à aller acheter des sacoches faites en clips. C'est exactement la même chose. Faites au clips ou faites avec la couture, c'est pareil. Ça ne change rien. Tout ça, c'est que du commerce. Char'an, ça change rien. Que tu me prennes une cousue ou clipsée, ça change rien. Même les sandales. Il y a des gens, ils disent, il faut mettre des sandales sans couture. Ils croient qu'il faut commettre des sandales en plastique qui sont faites en un bloc. Ils appellent ça les sandales de l'Ihra. Tu mets n'importe quelle sandale. Cousue, non cousue, il n'y a aucun souci, Inch'Allah. Non. Wa sallallahu ala Muhammadin.